Bonjour à toutes et à tous, Christian Martin au microphone. Dans cette édition assez spéciale de l'Avenir Extra, je vous offre mes meilleures musiques d'ambiance, les musiques qui accompagnent l'action, qui soulignent, qui appuient les scènes de nos diverses productions audiophoniques. Vous retrouverez des musiques que vous avez entendues dans Mazas Pavel, dans Carlé Novi, Complot sur Alpa, dans La variété adénique de Mario Fecto, dans L'attaque du moulin d'Émile Zola que nous avons produit pour Audiocité. C'est un concert, en fait, que je vous offre aujourd'hui pour vous emplir les oreilles et le cœur. We'll be right back.

Et voilà, dans l'espoir que cela vous ait plu. Je vous rappelle que toutes les musiques appartiennent à leur auteur, sont protégées par copyright, évidemment. Ils ne peuvent être utilisés sans mon consentement. Et sur ce, je vous dis à bientôt et au prochain rendez-vous sur le blog de l'avenir audio.canalblog.com. Au plaisir.